Section 7 De Mémoire d'outre-tombe, tome 1 Par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 2, suite. Les vacances où j'entrais dans ma 12e année furent tristes. L'abbé le prince m'accompagna à Combourg. Je ne sortais qu'avec mon précepteur, nous faisions au hasard de longues promenades. Il se mourait de la poitrine. Il était mélancolique et silencieux. Je n'étais guère plus gai. Nous marchions des heures entières à la suite l'un de l'autre, sans prononcer une parole. Un jour, nous nous égarâmes dans les bois. Monsieur le prince se tourna vers moi et me dit « Quel chemin faut-il prendre ?» Je répondis sans hésiter « Le soleil se couche. Il frappe à présent la fenêtre de la grosse tour. Marchons par là. » Monsieur le prince raconta le soir la chose à mon père. Le futur voyageur se montra dans ce jugement. Maintes fois, en voyant le soleil se coucher dans les forêts d'Amérique, je me suis rappelé les bois de Combourg. Mes souvenirs se font écho. L'abbé le prince désirait que l'on me donnât un cheval, mais dans les idées de mon père, un officier de marine ne devait savoir manier que son vaisseau. J'étais réduit à monter à la dérobée deux grosses juments de carrosse ou un grand cheval pie. La pie n'était pas, comme celle de Turenne, un de ces destriers nommés par les Romains desultorios et quos, et façonnés à secourir leur maître. C'était un pégase lunatique qui ferrait en trottant et qui me mordait les jambes quand je le forçais à sauter des fossés. Je ne me suis jamais beaucoup soucié de chevaux, quoique j'ai mené la vie d'un tartare, et contre l'effet que ma première éducation aurait dû produire, je monte à cheval avec plus d'élégance que de solidité. La fièvre tierce, dont j'avais apporté le germe des marais de Dole, me débarrassa de monsieur le prince. Un marchand d'Orvietan passa dans le village. Mon père, qui ne croyait point aux médecins, croyait aux charlatans. Il envoya chercher l'empirique, qui déclara me guérir en 24 heures. Il revint le lendemain, habit vert galonné d'or, large tignasse poudrée, grande manchette de mousseline sale, faux brillants aux doigts, culotte de satin noir usé, bas de soie d'un blanc bleuâtre et souliers avec des boucles énormes. Il ouvre mes rideaux, me tâte le pouls, me fait tirer la langue, baragouine avec un accent italien quelques mots sur la nécessité de me purger et me donne à manger un petit morceau de caramel. Mon père approuvait l'affaire car il prétendait que toute maladie venait d'indigestion et que pour toute espèce de maux, il fallait purger son homme jusqu'au sang. Une demi-heure après avoir avalé le caramel, je fus pris de vomissements effroyables. On avertit monsieur de Chateaubriand qui voulait faire sauter le pauvre diable par la fenêtre de la tour. Celui-ci, épouvanté, met habit bas, retrousse les manches de sa chemise en faisant les gestes les plus grotesques. À chaque mouvement, sa perruque tournait en tous sens. Il répétait mes cris et ajoutait après « Qué, Monsieur Lavandier ?» Ce monsieur Lavandier était le pharmacien du village, qu'on avait appelé au secours. Je ne savais, au milieu de mes douleurs, si je mourais des drogues de cet homme ou des éclats de rire qu'il m'arrachait. On arrêta les effets de cette trop forte dose d'émétique et je fus remis sur pied. Toute notre vie se passe aérée autour de notre tombe. Nos diverses maladies sont des souffles qui nous approchent plus ou moins du port. Le premier mort que j'ai vu était un chanoine de Saint-Malo. Il gisait, expiré, sur son lit, le visage distors par les dernières convulsions. La mort est belle, elle est notre amie, elle est notre amie. Néanmoins, nous ne la reconnaissons pas parce qu'elle se présente à nous masquée et que son masque nous épouvante. On me renvoya au collège à la fin de l'automne. De Dieppe, où l'injonction de la police m'avait obligé de me réfugier, on m'a permis de revenir à la vallée au Loup, où je continue ma narration. La terre tremble sous les pas du soldat étranger qui, dans ce moment même, envahit ma patrie. J'écris, comme les derniers Romains, au bruit de l'invasion des barbares. Le jour, je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour. La nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois, je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe, à la paix de mes plus jeunes souvenirs, que le passé d'un homme est étroit et court, à côté du vaste présent des peuples et de leur avenir immense. Les mathématiques, le grec et le latin occupèrent tout mon hiver au collège. Ce qui n'était pas consacré à l'étude était donné à ces jeux du commencement de la vie, pareils en tout lieu. Le petit anglais, le petit allemand, le petit italien, le petit espagnol, le petit iroquois, Le petit bédouin roule le cerceau et lance la balle. Frères d'une grande famille, les enfants ne perdent leurs traits de ressemblance qu'en perdant l'innocence, la même partout. Alors les passions, modifiées par les climats, les gouvernements et les mœurs, font les nations diverses. Le genre humain cesse de s'entendre et de parler le même langage. C'est la société qui est la véritable tour de Babel. Un matin, j'étais très animé à une partie de bar dans la grande cour du collège. On me vint dire qu'on me demandait. Je suivis le domestique à la porte extérieure. Je trouve un gros homme, rouge de visage, les manières brusques et impatientes, le ton farouche, ayant un bâton à la main, portant une perruque noire mal frisée, une soutane déchirée retroussée dans ses poches, des souliers poudreux, des bas percés aux talons. « Petit polisson, me dit-il, n'êtes-vous pas le chevalier de Chateaubriand, de Combourg ?»« Oui, monsieur, répondis-je, tout étourdi de l'apostrophe. » « Et moi, reprit-il presque écumant, je suis le dernier aîné de votre famille. Je suis l'abbé de Chateaubriand, de la Guérande. Regardez-moi bien. » Le fier abbé met la main dans le gousset d'une vieille culotte de panne, prend un écu de 6 francs moisi, enveloppé dans un papier crasseux, me le jette au nez et continue à pied son voyage en marmottant ses matines d'un air furibond. J'ai su, depuis lors, que le prince de Condé avait fait offrir à ce hobereau vicaire le préceptorat du duc de Bourbon. Le prêtre outrecuidé répondit que le prince possesseur de la baronnie de Chateaubriand devait savoir que les héritiers de cette baronnie pouvaient avoir des précepteurs, mais n'étaient les précepteurs de personne. Cette hauteur était le défaut de ma famille. Elle était odieuse à mon père. Mon frère la poussait jusqu'au ridicule. Elle a un peu passé à son fils aîné. Je ne suis pas bien sûr, malgré mes inclinations républicaines, de m'en être complètement affranchi, bien que je l'aie soigneusement caché. L'époque de ma première communion approchait, moment où l'on décidait dans la famille de l'état futur de l'enfant. Cette cérémonie religieuse remplaçait parmi les jeunes chrétiens la prise de la robe virile chez les Romains. Madame de Chateaubriand était venue assister à la première communion d'un fils qui, après s'être uni à son Dieu, allait se séparer de sa mère. Ma piété paraissait sincère. J'édifiais tout le collège. Mes regards étaient ardents. Mes abstinences répétées allaient jusqu'à donner de l'inquiétude à mes maîtres. On craignait l'excès de ma dévotion. Une religion éclairée cherchait à tempérer ma ferveur. J'avais pour confesseur le supérieur du séminaire des Eudistes, homme de 50 ans, d'un aspect rigide. Toutes les fois que je me présentais au tribunal de la pénitence, il m'interrogeait avec anxiété. Surpris de la légèreté de mes fautes, il ne savait comment accorder mon trouble avec le peu d'importance des secrets que je déposais dans son sein. Plus le jour de Pâques s'avoisinait, plus les questions du religieux étaient pressantes. « Ne me cachez-vous rien ? » me disait-il. Je répondais « Non, mon père. »« N'avez-vous pas fait telle faute ? » ?»« Non, mon père. » Et toujours « Non, mon père. » Il me renvoyait en doutant, en soupirant, en me regardant jusqu'au fond de l'âme, et moi je sortais de sa présence, pâle et défiguré, comme un criminel. Je devais recevoir l'absolution le mercredi saint. Je passais la nuit du mardi au mercredi en prière et à lire avec terreur le livre des Confessions mal faites. Le mercredi, à 3 heures de l'après-midi, nous partîmes pour le séminaire, nos parents nous accompagnaient. Tout le vain bruit qui s'est depuis attaché à mon nom n'aurait pas donné à Madame de Chateaubriand un seul instant de l'orgueil qu'elle éprouvait, comme chrétienne et comme mère, en voyant son fils prêt à participer au grand mystère de la religion. En arrivant à l'église, je me prosternais devant le sanctuaire et j'y restais comme anéanti. Lorsque je me levais pour me rendre à la sacristie, où m'attendait le supérieur, mes genoux tremblaient sous moi, je me jetais aux pieds du prêtre, ce ne fut que de la voix la plus altérée que je parvins à prononcer mon confiteor. « Eh bien, n'avez-vous rien oublié ? » me dit l'homme de Jésus-Christ. Je demeurai muet. Ces questions recommencèrent, et le fatal « Non, mon père » sortit de ma bouche. Il se recueillit, il demanda des conseils à celui qui conféra aux apôtres le pouvoir de lier et de délier les âmes. Alors, faisant un effort, il se prépare à me donner l'absolution. La foudre que le ciel eût lancée sur moi m'aurait causé moins d'épouvante. Je m'écriais « Je n'ai pas tout dit !» Ce redoutable juge, ce délégué du souverain arbitre, dont le visage m'inspirait tant de crainte, devint le pasteur le plus tendre. Il m'embrasse et fond en larmes. « Allons, me dit-il, mon cher fils, du courage !» Je n'aurai jamais un tel moment dans ma vie. Si l'on m'avait débarrassé du poids d'une montagne, on ne m'eût pas plus soulagé. Je sanglotais de bonheur. J'ose dire que c'est de ce jour que j'ai été créé honnête homme. Je sentis que je ne survivrais jamais à un remords. Quel doit donc être celui du crime si j'ai pu tant souffrir pour avoir tué les faiblesses d'un enfant? Mais combien elle est divine, cette religion, qui se peut emparer ainsi de nos bonnes facultés? Quels préceptes de morale suppléeront jamais à ces institutions chrétiennes? Le premier aveu fait, rien ne me coûta plus. Mes puérilités cachées, et qui auraient fait rire le monde, furent pesées au poids de la religion. Le supérieur se trouva fort embarrassé. Il aurait voulu retarder ma communion, mais j'allais quitter le collège de Dole et bientôt entrer au service dans la marine. Il découvrit, avec une grande sagacité, dans le caractère même de mes juvéniles, toutes insignifiantes qu'elles étaient, la nature de mes penchants. C'est le premier homme qui ait pénétré le secret de ce que je pouvais être. Il devina mes futures passions. Il ne me cacha pas ce qu'il croyait voir de bon en moi, mais il me prédit aussi mes maux à venir. Enfin, ajouta-t-il, le temps manque à votre pénitence, mais vous êtes lavé de vos péchés par un aveu courageux, quoique tardif. Il prononça, en levant la main, la formule de l'absolution. Cette seconde fois, ce bras foudroyant ne fit descendre sur ma tête que la rosée céleste. J'inclinai mon front pour la recevoir. Ce que je sentais participait de la félicité des anges. Je m'allais précipiter dans le sein de ma mère qui m'attendait au pied de l'autel. Je ne parus plus le même à mes maîtres, à mes camarades. Je marchais d'un pas léger, la tête haute, l'air radieux, dans tout le triomphe du repentir. Le lendemain, jeudi saint, je fus admis à cette cérémonie touchante et sublime dont j'ai vainement essayé de tracer le tableau dans le génie du christianisme. J'y aurais pu retrouver mes petites humiliations accoutumées. Mon bouquet et mes habits étaient moins beaux que ceux de mes compagnons, mais ce jour-là, tout fut à Dieu et pour Dieu. Je sais parfaitement ce que c'est que la foi. La présence réelle de la victime dans le Saint-Sacrement de l'autel m'était aussi sensible que la présence de ma mère à mes côtés. Quand l'hostie fut déposée sur mes lèvres, je me sentis comme tout éclairé en dedans. Je tremblais de respect, et la seule chose matérielle qui m'occupa était la crainte de profaner le pain sacré. Le pain que je vous propose sert aux anges d'aliment. Dieu lui-même le compose de la fleur de son froment, Racine. Je conçus encore le courage des martyrs. J'aurais pu dans ce moment confesser le Christ sur le chevalet ou au milieu des lions. J'aime à rappeler ces félicités qui précédèrent de peu d'instants dans mon âme les tribulations du monde. En comparant ces ardeurs aux transports que je vais peindre, en voyant le même cœur éprouvé dans l'intervalle de 3 ou 4 années, tout ce que l'innocence et la religion ont de plus doux et de plus salutaire, et tout ce que les passions ont de plus séduisant et de plus funeste, on choisira des deux joies, on verra de quel côté il faut chercher le bonheur et surtout le repos. 3 semaines après ma première communion, je quittai le collège de Dole. Il me reste de cette maison un agréable souvenir. Notre enfance laisse quelque chose d'elle-même, aux lieux embellis par elle, comme une fleur communique un parfum aux objets qu'elle a touchés. Je m'attendris encore aujourd'hui en songeant à la dispersion de mes premiers camarades et de mes premiers maîtres. L'abbé Le Prince, nommé à un bénéfice auprès de Rouen, vécut peu. L'abbé Ego obtint une cure dans le diocèse de Rennes, et j'ai vu mourir le bon principal, l'abbé Porcher, au commencement de la Révolution. Il était instruit, doux et simple de cœur. La mémoire de cet obscur Rollin me sera toujours chère et vénérable. Je trouvai à Combourg de quoi nourrir ma piété, une mission. J'en suivis les exercices. Je reçus la confirmation sur le perron du manoir, avec les paysans et les paysannes, de la main de l'évêque de Saint-Malo. Après cela, on érigea une croix. J'aidai à la soutenir, tandis qu'on la fixait sur sa base. Elle existe encore. Elle s'élève devant la tour où est mort mon père. Depuis 30 années, elle n'a vu paraître personne aux fenêtres de cette tour. Elle n'est plus saluée des enfants du château. Chaque printemps, elle les attend en vain. Elle ne voit revenir que les hirondelles, compagnes de mon enfance, plus fidèles à leur nid que l'homme à sa maison. Heureux si ma vie s'était écoulée au pied de la croix de la mission, si mes cheveux n'eussent été blanchis que par le temps qui a couvert de mousse les branches de cette croix. Je ne tardai pas à partir pour Rennes. j'y devais continuer mes études et clore mon cours de mathématiques afin de subir ensuite à Brest l'examen de garde-marine. M. de Fayolle était principal du collège de Rennes. On comptait dans ce Juilly de la Bretagne trois professeurs distingués. L'abbé de Châteaugiron pour la seconde, l'abbé Germet pour la rhétorique, l'abbé Marchand pour la physique. Le pensionnat et les externes étaient nombreux, les classes fortes. Dans les derniers temps, Geoffroy et Ginguené, sortis de ce collège, auraient fait honneur à Sainte-Barbe et au Plessis. Le chevalier de Pargny avait aussi étudié à Rennes. J'héritais de son lit dans la chambre qui me fut assignée. Rennes me semblait une Babylone, le collège un monde. La multitude des maîtres et des écoliers, la grandeur des bâtiments, du jardin et des cours, me paraissait démesurée. Je m'y habituais cependant. À la fête du principal, nous avions des jours de congé. Nous chantions à tue-tête, à sa louange, de superbes couplets de notre façon. Ô Terpsichore, ô Polymnie, venez, venez remplir nos vœux, la raison même vous convie. Je pris sur mes nouveaux camarades l'ascendant que j'avais eu à Dole sur mes anciens compagnons. Il m'en coûta quelques horions. Les babouins bretons sont d'une humeur hargneuse. On s'envoyait des cartels pour les jours de promenade dans les bosquets du jardin des bénédictins appelé le Tabor. Nous nous servions de compas de mathématiques attachés au bout d'une canne où nous en venions à une lutte corps à corps plus ou moins félonne ou courtoise selon la gravité du défi. Il y avait des juges du camp qui décidaient s'il échait gage et de quelle manière les champions mèneraient des mains. Le combat ne cessait que quand une des deux parties s'avouait vaincue. Je retrouvai au collège mon ami Jesril, qui présidait comme à Saint-Malo à ses engagements. Il voulait être mon second dans une affaire que j'eus avec Saint-Rivol, jeune gentilhomme qui devint la première victime de la Révolution. Je tombai sous mon adversaire, refusai de me rendre et payai cher ma superbe. Je disais comme Jean Desmarets, allant à l'échafaud, « Je ne crie merci qu'à Dieu ». Je rencontrai à ce collège deux hommes, devenus depuis différemment célèbres, Moreau, le général, et Limoëlan, auteur de La Machine Infernale, aujourd'hui prêtre en Amérique. Il n'existe qu'un portrait de Lucile, et cette méchante miniature a été faite par Limoëlan, devenu peintre pendant les détresses révolutionnaires. Moreau était externe, Limoëlan pensionnaire. On a rarement trouvé, à la même époque, dans une même province, dans une même petite ville, dans une même maison d'éducation, des destinées aussi singulières. Je ne puis m'empêcher de raconter un tour d'écolier que joua au préfet de semaine mon camarade Limoëlan. Le préfet avait coutume de faire sa ronde dans les corridors après la retraite, pour voir si tout était bien. Il regardait à cet effet par un trou pratiqué dans chaque porte. Limoëlan, Jesril, Saint-Rivol et moi, nous couchions dans la même chambre. D'animaux malfaisants, c'était un fort bon plat. Vainement avions-nous plusieurs fois bouché le trou avec du papier. Le préfet poussait le papier et nous surprenait, sautant sur nos lits et cassant nos chaises. Un soir, Limoëlan, sans nous communiquer son projet, nous engage à nous coucher et à éteindre la lumière. Bientôt, nous l'entendons se lever, aller à la porte et puis se remettre au lit. Un quart d'heure après, voici venir le préfet sur la pointe du pied. Comme avec raison nous lui étions suspects, il s'arrête à la porte, écoute, regarde, n'aperçoit point de lumière. « Qui est-ce qui a fait cela ? » s'écrie-t-il en se précipitant dans la chambre. Limoëlan, d'étouffer de rire, et Jesril de dire en asillant avec son air moitié niais, moitié goguenard, « Qu'est-ce donc, monsieur le préfet ? » Voilà Saint-Rivol et moi à rire comme Limoëlan et à nous cacher sous nos couvertures. On ne put rien tirer de nous, nous fûmes héroïques. Nous fûmes mis tous quatre en prison au caveau. Saint-Rivol fouilla la terre sous une porte qui communiquait à la basse-cour. Il engagea la tête dans cette taupinière, un porc accourut et lui pensa manger la cervelle. Jesril se glissa dans les caves du collège et mit couler un tonneau de vin. Limoëlan démolit un mur et moi, nouveau perrin d'Andin, grimpant dans un soupirail, j'ameutai la canaille de la rue par mes harangues. Le terrible auteur de La Machine Infernale, jouant cette niche de polisson à un préfet de collège, rappelle en petit Cromwell barbouillant d'encre la figure d'un autre régicide qui signait après lui l'arrêt de mort de Charles Ier. Quoique l'éducation fût très religieuse au collège de Rennes, ma ferveur se ralentit. Le grand nombre de mes maîtres et de mes camarades multipliait les occasions de distraction. J'avançais dans l'étude des langues. Je devins fort en mathématiques, pour lesquelles j'ai toujours eu un penchant décidé. J'aurais fait un bon officier de marine ou de génie. En tout, j'étais né avec des dispositions faciles. Sensible aux choses sérieuses comme aux choses agréables, j'ai commencé par la poésie avant d'en venir à la prose. Les arts me transportaient. J'ai passionnément aimé la musique et l'architecture. Quoique prompt à m'ennuyer de tout, j'étais capable des plus petits détails. Étant doué d'une patience à toute épreuve, quoique fatigué de l'objet qui m'occupait, mon obstination étant plus forte que mon dégoût, je n'ai jamais abandonné une affaire quand elle a valu la peine d'être achevée. Il y a telle chose que j'ai poursuivi 15 et 20 ans de ma vie, aussi plein d'ardeur le dernier jour que le premier. Cette souplesse de mon intelligence se retrouvait dans les choses secondaires. J'étais habile aux échecs, adroit au billard, à la chasse, au maniement des armes. Je dessinais passablement. J'aurais bien chanté si l'on eût pris soin de ma voix. Tout cela, joint au genre de mon éducation, à une vie de soldat et de voyageur, fait que je n'ai point senti mon pédant, que je n'ai jamais eu l'air hébété ou suffisant. Les habitudes crasseuses des hommes de lettres d'autrefois, encore moins la morgue et l'assurance, l'envie et la vanité fanfaronne des nouveaux auteurs. Je passai 2 ans au collège de Rennes. Jesril le quitta 18 mois avant moi. Il entra dans la marine. Julie, ma 3e sœur, se maria dans le cours de ces 2 années. Elle épousa le comte de Farcy, capitaine au régiment de Condé, et s'établit avec son mari à Fougères, où déjà habitaient mes 2 sœurs aînées, mesdames de Marigny et de Québriac. Le mariage de Julie eut lieu à Combourg, et j'assistai à la noce. J'y rencontrai cette comtesse de Tronjoly, qui se fit remarquer par son intrépidité à l'échafaud, cousine et intime amie du marquis de la Rouërie. Elle fut mêlée à sa conspiration. Je n'avais encore vu la beauté qu'au milieu de ma famille. Je restais confondu en l'apercevant sur le visage d'une femme étrangère. Chaque pas dans la vie m'ouvrait une nouvelle perspective. J'entendais la voix lointaine et séduisante des passions qui venaient à moi. Je me précipitais au-devant de ces sirènes, attiré par une harmonie inconnue. Il se trouva que, comme le grand prêtre d'Éleusis, j'avais des encens divers pour chaque divinité. Mais les hymnes que je chantais, en brûlant ces encens, pouvaient-ils s'appeler baume, ainsi que les poésies de l'Hériophante? Après le mariage de Julie, je partis pour Brest. En quittant le grand collège de Rennes, je ne sentis point le regret que j'éprouvais en sortant du petit collège de Dole. Peut-être n'avais-je plus cette innocence qui nous fait un charme de tout. Le temps commençait à la déclore. J'eus pour mentor, dans ma nouvelle position, un de mes oncles maternels, le comte Ravenel de Boisteilleul, chef d'escadre, dont un des fils, officier très distingué d'artillerie dans les armées de Bonaparte, a épousé la fille unique de ma sœur, la comtesse de Farcy. Arrivé à Brest, je ne trouvai point mon brevet d'aspirant. Je ne sais quel accident l'avait retardé. Je restais ce qu'on appelait soupirant, et comme tel, exempt d'études régulières. Mon oncle me mit en pension dans la rue de Siam, à une table d'hôte d'aspirants, et me présenta au commandant de la marine, le comte Hector. Abandonné à moi-même pour la première fois, au lieu de me lier avec mes futurs camarades, je me renfermais dans mon instinct solitaire. Ma société habituelle se réduisit à mes maîtres d'escrime, de dessin et de mathématiques. Cette mer, que je devais rencontrer sur tant de rivages, baignait à Brest l'extrémité de la péninsule armoricaine. Après ce cap avancé, il n'y a plus rien qu'un océan sans bornes et des mondes inconnus. Mon imagination se jouait dans ces espaces. Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du quai de recouvrance, je regardais les mouvements de la foule. Constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s'embarquaient. Des pilotes commandaient la manœuvre, des charpentiers écarissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles, des mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où sortait une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. On portait, on reportait, on roulait de la marine au magasin et des magasins à la marine des ballots de marchandises, des sacs de vivres, des trains d'artillerie. Ici, des charrettes s'avançaient dans l'eau à reculons pour recevoir des chargements. Là, des palans enlevaient des fardeaux, tandis que des grues descendaient des pierres et que des curemolles creusaient des atterrissements. Des forts répétaient des signaux, des chaloupes allaient et venaient, des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins. Mon esprit se remplissait d'idées vagues sur la société, sur ses biens et ses maux. Je ne sais quelle tristesse me gagnait. Je quittai le mât sur lequel j'étais assis, je remontai le Penfeld qui se jette dans le port. J'arrivais à un coude où ce port disparaissait. Là, ne voyant plus rien qu'une vallée tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchai au bord de la petite rivière, tantôt regardant couler l'eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine, jouissant du silence autour de moi, ou prêtant l'oreille au coup de marteau du calfat, je tombais dans la plus profonde rêverie. Au milieu de cette rêverie, si le vent m'apportait le son du canon d'un vaisseau qui mettait à la voile, je tressaillais et des larmes mouillaient mes yeux. Un jour, j'avais dirigé ma promenade vers l'extrémité extérieure du port, du côté de la mer. Il faisait chaud, je m'étendis sur la grève et m'endormis. Tout à coup, je fus réveillé par un bruit magnifique. J'ouvre les yeux comme Auguste pour voir les trirèmes dans les mouillages de la Sicile après la victoire sur Sextus Pompée. Les détonations de l'artillerie se succédaient, la rade était semée de navires, la grande escadre française rentrait après la signature de la paix. Les vaisseaux manœuvraient sous voile, se couvraient de feu, arboraient des pavillons, présentaient la poupe, la proue, le flanc, s'arrêtaient en jetant l'ancre au milieu de leur course, ou continuaient à voltiger sur les flots. Rien ne m'a jamais donné une plus haute idée de l'esprit humain. L'homme semblait emprunter dans ce moment quelque chose de celui qui a dit à la mer « Tu n'iras pas plus loin. Non procedes amplius. » Tout Brest a couru. Des chaloupes se détachent de la flotte et abordent au môle. Les officiers, dont elle était remplie, le visage brûlé par le soleil, avaient cet air étranger qu'on apporte d'un autre hémisphère, et je ne sais quoi de gai, de fier, de hardi, comme des hommes qui venaient de rétablir l'honneur du pavillon national. Ce corps de la marine, si méritant, si illustre, ses compagnons des Suffrennes, des Lamotte Piquet, des Ducouédic, des Destins, échappés au coup de l'ennemi, devaient tomber sous ceux des Français. Je regardais défiler la valeureuse troupe lorsqu'un des officiers se détache de ses camarades et me saute au cou. C'était Jesril. Il me parut grandi, mais faible et languissant d'un coup d'épée qu'il avait reçu dans la poitrine. Il quitta Brest le soir même pour se rendre dans sa famille. Je ne l'ai vu qu'une fois depuis, peu de temps avant sa mort héroïque. Je dirai plus tard en quelle occasion. L'apparition et le départ subit de Jesril me firent prendre une résolution qui a changé le cours de ma vie. Il était écrit que ce jeune homme aurait un empire absolu sur ma destinée. On voit comment mon caractère se formait, quel tour prenaient mes idées, quelles furent les premières atteintes de mon génie, car j'en puis parler comme d'un mal, quel qu'ait été ce génie, rare ou vulgaire, méritant ou ne méritant pas le nom que je lui donne, faute d'un autre mot pour m'exprimer. Plus semblable au reste des hommes, j'eusse été plus heureux. Celui qui, sans m'ôter l'esprit, fut parvenu à tuer ce qu'on appelle mon talent, m'aurait traité en ami. Lorsque le comte de Bois-Tailleul me conduisait chez M. d'Hector, j'entendais les jeunes et les vieux marins raconter leurs campagnes et causer des pays qu'ils avaient parcourus. L'un arrivait de l'Inde, l'autre de l'Amérique. Celui-là devait appareiller pour faire le tour du monde. Celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée, visiter les côtes de la Grèce. Mon oncle me montra la Pérouse dans la foule, nouveau Cook, dont la mort est le secret des tempêtes. J'écoutais tout, je regardais tout, sans dire une parole, mais la nuit suivante, plus de sommeil, je la passais à livrer en imagination des combats ou à découvrir des terres inconnues. Quoi qu'il en soit, en voyant Jesril retourner chez ses parents, je pensais que rien ne m'empêchait d'aller rejoindre les miens. J'aurais beaucoup aimé le service de la marine si mon esprit d'indépendance ne m'eût éloigné de tous les genres de service. J'ai en moi une impossibilité d'obéir. Les voyages me tentaient, mais je sentais que je ne les aimerais que seul, en suivant ma volonté. Enfin, donnant la première preuve de mon inconstance, sans en avertir mon oncle Ravenel, sans écrire à mes parents, sans en demander permission à personne, sans attendre mon brevet d'aspirant, je partis un matin pour Combourg, où je tombai comme dénu. Je m'étonne encore aujourd'hui qu'avec la frayeur que m'inspirait mon père, j'eusse osé prendre une pareille résolution, et ce qu'il y a d'aussi étonnant, c'est la manière dont je fus reçu. Je devais m'attendre au transport de la plus vive colère. Je fus accueilli doucement. Mon père se contenta de secouer la tête comme pour dire « Voilà une belle équipée ». Ma mère m'embrassa de tout son cœur en grognant, et ma sœur Lucille avec un ravissement de joie. Fin de la section 7.